Attention, 8. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, je peux présenter les originaux de mes papiers. Réponse A. Des photocopies. Réponse B. Des photocopies certifiées conformes. Réponse C.